tu vois, le volume, il est bon, là. Je mets pas trop fort, là. Là, je monte un peu. Mais c'est ma femme qui fait le ménage, là? C'est pas possible. J'entends l'aspirateur. Oh, punaise. Elle passe l'aspirateur. Je prends la guitare.